cours numéro 7. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فماذا أخذنا في درسنا السابق تفضل أخذنا في درسنا السابق صفة اليدين صفة اليدين نعم ما الدليل الدليل قال الله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقك بيدي أحسنت ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي دليل آخر عندما تفضل بل يداه أعد أحسنت بل يداه مبسوطتان فما هي عقيدة أهل السنة في صفة اليدين الإخوة ils ont cité deux versets من القرآن الكريم sur l'attribut des mains. Et que d'ailleurs on a plusieurs ahadiths fi hada. C'est quoi la croyance des salaf fi hadhihi as-sifa indaman? Tafadhal. Nathbitu anna zawjan lahu al-yadan wa lam nukayyifu wa lam nukayyifu wa lam nashbihu wa lam nashbihu. Na'am. Ay يثبتون صفة اليدين وهي صفة حقيقية سدفغما بدون تمثيل ولا تكييف ولا تحريف ولا تعطيل. أي ديز كو سدفغما إي سيفغما إل غوسومبل با أو ما دي كرياتور لأن الله عز وجل قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيثبتون اليدين إي سيكارت دو تمثيل كذلك إي سيكارت دو تكييف. Comment elles sont ses mains? Allahu a'lam. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous a pas informé. عن التكييف. فنؤمن بالصفة. أما التكييف فلا نكيف. Pas parce qu'il n'y a pas de كيف, كما تقدم. لا, لأننا لا نعلمه. كذلك لا نحرف. كما فعل المحرفون. Ils ont dit أن اليدين المراد هنا c'est القدرة أو النعمة. فماذا قال أو بماذا رد عليهم المؤلف رحمه الله ceux qui ont expliqué في الحقيقة ils ont déformé le sens لأن السلف ils ont jamais cité cette explication فقالوا أن اليدين ils ont prétendu أن les mains c'était بمعنى القدرة la capacité أو النعمة les bienfaits النعم عندما تفضل اولا مذهب السلف c'est de croire au verset à l'attribut كما جاء فالله سبحانه وتعالى قال بل يداه مبسوطتان donc ظاهر الآية c'est qu'Allah il a deux mains فبأي دليل on interprète هذا اولا زيد هذا كيسكي عبر avec une autre جملة تفضل ان نعمت الله كثيرا ليس نعمتان شو اكسبليك النعمة والاخ التي في القدرة سهل اكسبليك النعمة ليس نعمتان كما قال الله تعالى وان تعدوا نعم فالقدرة واحدة كما قال المؤلف قدرة مطلقة الله il est capable de tout فأنا ne peut pas expliquer القدرة par deux capacités لأن الله قال بل يدا أي ses deux mains مبسوطتان expliquer les mains par القدرة c'est باطل لأن الله il a une قدرة les مطلقة il fait ce qu'il veut وهكذا النعم si on explique les mains par النعمة بل يداه مبسوطتان أي ces deux ni'mal sont mabsoutatan هذا c'est باطل لأن ni'am Allah كثيرة لا تحصى كما قال المؤلف tu peux pas les compter وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ça nous montre que déformer le sens forcément Al-insan ayyadan billahi sikakha. Limadha li'anna as-salaf, ils ont lu le Coran. Ils ont compris hada al-Quran et ils n'ont jamais interprété l'attribut des mains par al-ni'ma ou al-qudra. Fayajibu al-istislam. Akhadna kadhalik mas'alat al-ru'ya. Fama hiya aqidat ahli as-sunnah fi hada? Fi hada al-bab al-azim? عندما تفضل يقولون ان سنرى الله عز وجل يوم القيامه ولا في الدنيا اي عقيده السلف انهم يؤمنون ان الله عز وجل يرى في الاخره ولا في الدنيا اي la croyance de salaf c'est que les croyants ils verront Allah subhanahu wa ta'ala في الاخره اي يوم القيامه اي في الجنه اما في الدنيا لا. Et cette ru'ya, l'ulama il la précise bimada, c'est une ru'ya. Aïndamal, hein? Ru'ya haqiqiya. Ah là, bas, ru'ya haqiqiya, un autre mot, plus précis. Aïndak. Aïndak. Ru'ya bi'ayn. Ahsant, ru'ya bil'ayn, bil'basar. Ru'ya tun basariya. Falmanfi, fi dunya, c'est ru'ya al-basariya. Quand Aïcha radiyallahu anha a juré que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas vu Allah azza wa jal, ay bi aynihi alayhi sallam, ay avec ses yeux. Wa ithbat al-ru'ya bi al-akhira, ay sebi kadhalik sebi al-aynin. Contrairement à Ahlul Bid'a qui disent avec le cœur. Fahada, hada c'est important. Man yadhkur dalilan ala hada, hada al-bab qu'on vient de citer, tfaddal. وجوه يومئذ نادرة إلى ربها نادرة نعم ومن السنة تفضل كنت تقينكم ستغضون غضبكم كما ترون ليلة القمر ليلة البدر أحسنت إنكم سترون ربكم كما ترون القمر أو هذا القمر تقدم معنا أن نديتايغا أكثر بإذن الله عز وجل دوتخ دروس قال المؤلف رحمه الله ومن مذهب أهل الحق أن الله عز وجل لم يزل متكلما بكلام مسموع مفهوم مكتوب قال الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما في هذا الباب المؤلف رحمه الله il a cité des preuves sur صفة الكلام l'attribut de la parole. السلف يؤمنون أن الله عز وجل من عقيدتهم أن الله عز وجل إلى ست أتخبو الكلام والدليل قوله عز وجل وكلم الله موسى تكليما كذلك من الأدلة إلى ست حديث نقرأ قال وروى عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. فسيس الشاهد سيكلمه الله أي الله سبحانه وتعالى il parlera à chacun de nous chaque être humain الله سبحانه وتعالى lui parlera يوم القيامة هذا هي صفة الكلام سيكلمه الله lui parlera ليس بينه وبينه ترجمان الترجمان c'est celui qui explique une langue qui explique une langue maintenant il traduit du français à l'arabe de l'arabe au français un traducteur un intermédiaire entre واحد qui parle à un autre لماذا لأن l'autre il comprend pas la langue du premier يوم القيامة الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يبارلغا سعب بينه وبينه ليس بينه وبينه ترجمان sans ترجمان. Ça nous montre ماذا أن هذا الإنسان il entendra هذا الكلام. Ça nous montre que c'est un كلام مسموع أي بصوت. C'est ça عقيدة أهل السنة. كذلك هذا الإنسان il comprendra ce كلام. Ça nous montre que هذا الكلام c'est بحروف avec des lettres. Et c'est ça معتقد أهل السنة. قال ثم ينظر أيمن منه فلا ينظر إلا شيئا قدمه ثم ينظر أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه ثم ينظر تلقاء وجهه فتستقبله النار فمن استطاع منكم أن يقي وجهه النار ولو بشق تمرة فليفعل. قال في الحاشية رواه البخاري ومسلم. فهذا حديث عظيم فيه أن الإنسان son objectif principal ça doit être de préparer هذا اليوم, ce jour dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala parlera à chaque abd, ce jour où ce qui sera utile bi'idnillahi azza wa jal pour toi akhi al-karim c'était amal. فلهذا الإنسان regardera à sa droite, il regardera à sa gauche, فلا يرى إلا شيئا قدمه, il trouvera que ce qu'il a préparé, ce qu'il a fait من أعماله الصالحة. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم على فن الحديث فمن استطاع منكم أن يقي وجهه النار, أي celui qui veut faire les causes pour se préserver du feu, ولو بشق تمرة, ولو avec la moitié d'une date, الشق هنا c'est la moitié, أي une partie, ولو بشق تمرة, ولو avec une partie, même pas une date entière. أي هنا المراد الصدقة, لأن celui qui donne à un pauvre ولو la moitié d'une date, فبإذن الله عز وجل يوم القيامة يتخبغ هذا الخير, ما من خير تلو تخبغ. قال فليفعل, أي qu'il le fasse. هذا c'est important, ne pas oublier هذا اليوم. Celui qui oublie هذا اليوم عيادا بالله, qui pense qu'à الدنيا, ف كيف سيعمل, comment il va faire s'il a oublié ce jour, هذا اليوم العظيم, فكيف سيتقرب الى الله سبحانه وتعالى pour être sauvé ce jour. C'est pour ça que من الايمان من اركان الايمان الايمان باليوم الاخر, celui qui a هذا الايمان باذن الله عز وجل il va tout faire pour se préparer. وهذا سان حديث qui t'encourage à te préparer. Akhi al-Karim, faliyaf'al, ay qu'il le fasse. Wa ash-shahid minhu, dans notre livre, qawluhu alayhi salatu wassalam, sayukallimuhu Allah. Qala wa rawa Jabir ibn Abdillah, radiyallahu anhu, qala lamma qutila Abdullah ibn Amr ibn Haram, c'est le père de Jabir. Jabir ibn Abdillah, c'est Abdullah ibn Amr ibn Haram, le père de Jabir رضي الله عنهما, c'est un صحابي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جابر ألا أخبرك ما قال الله لأبيك؟ قال بلى. قال وما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب وكلم أباك كفاحا. هذا الشاهد أن الله عز وجل إلى parlé directement à Abdullah ibn Amr, le père de Jabir. Ça nous montre فضل هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه, qui est mort في الجهاد, il est mort شهيدا رضي الله تعالى عنه, فالله سبحانه وتعالى كلمه, الله lui a parlé. Et النبي صلى الله عليه وسلم il a informé son fils Jabir, et après la mort de son père في الغزوة, dans une bataille, غزوة أحد, النبي صلى الله عليه وسلم إلى فرم جابر يا جابر ألا أخبرك ما قال الله لأبيك, est-ce que tu veux que je t'informe ce que Allah سبحانه وتعالى a dit à ton père. وهذا فيه تسلية المؤمن عند الحزن والمصيبة. النبي صلى الله عليه وسلم إلى réconforté جابر رضي الله عنه, pour lui montrer أن la tristesse qu'il avait, il a perdu son père. Il lui a montré, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à son père, il est mort à la khair. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a parlé. Si un de nos frères, il perd un proche, et là, chaque qui sera triste, si on peut trouver les mots pour le réconforter, pour l'aider à surmonter son épreuve, c'est tayyib. Comme a fait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. قال وما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب وكلم أباك كفاحا قال يا عبد الله, قوله قال أي الله سبحانه وتعالى, يا عبد الله أي عبد الله بن عمرو le père de Jabir, فقال يا عبد الله تمن علي أعطيك, Il a dit, Subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jal, à Abdullah ibn Amr, tamanna alayya u'tik. Aïe, demande-moi ce que tu veux, je te donne. Faqala ya Rab. Aïe, Abdullah ibn Amr, le père de Jabir, radiyallahu anhuma. Tuhyini, fa uqtal fiik, thaniya. Anzuru hadha talab. Il a demandé à refaire hadha l'amal al-azim. Aïe, al-qital, al-jihad. Il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala tuhyini, ay ya rab fais-moi revivre. Fa uqtal fik thaniya hatta je me fais tuer une deuxième fois fi sabilik. Ay voulait remourir pour Allah azza wa jalla. Limadha li'annahu il a vu la récompense. Allah subhanahu wa ta'ala il lui a parlé directement. Il a voulu une deuxième fois hadha al-ajr al-'azim. Ça nous montre anna yawm al-qiyamah après la mort. Ce qui sera utile, c'est Al-Amal. Et ça nous montre anna Al-Mawta, que ce soit ceux qui sont morts, Iyadan Billah, à la Shar, ils espéreront revenir pour faire des A'mal, ou ceux qui sont morts à la Khair, comme Iyad Al-Hadith, anna Ba'dahum, ils espéreraient revenir pour faire encore du Khair. Ça nous montre quoi? Ça nous montre que nous, vu qu'on est encore vivant, on doit prendre Hadith pour ça. Viendra un jour, chacun de nous mourra. Et Rabbana, on regrettera certaines choses. فَنَسْأَلُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الثَّبَاتِ. Mais celui qui meurt à la khayr, alhamdulillah, il est à la khayr. Lakin celui qui meurt à la sharf, la shakalnahu, il regrettera. C'est une force, hadith dar, dar al-dunya, pour faire des a'mal. قَالَ إِنَّهُ سَبَقَ مِنِّي أَنَّهُمْ إِلَيْهَا لَا يَرْجِعُونَ. Ça c'est قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. أي الله سبحانه وتعالى حكم أن لا أحد يرجع إلى الدنيا بعد الموت. Ça c'est حكم الله. Et ça changera jamais. Celui qui meurt, il ne peut pas revenir. فلهذا قال عز وجل إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال فأبلغ من ورائي. Le père de Jabir, il a dit à الله سبحانه وتعالى فأنفورمولي. أي أنفورمولي على هذا الخير. أي لفد مغير في سبيل الله. فأنزل الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الله il a révélé ce verset. أي لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. Et ne pensez pas que ceux qui sont morts في سبيل الله et ceux qui se sont fait tuer في سبيل الله, non, ils sont morts. بل أحياء, بل ils sont vivants. عند ربهم يرزقون. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il leur donne des bienfaits, des faveurs. Azza wa Jal. قال رواه ابن ماجه. الحديث نعم حسنه الإمام الألباني رحمه الله وهكذا الإمام الشيخ مقبل في الصحيح المسند من أسباب النزول. أي عند هذه الآية إلى ستة plusieurs hadiths et il a cité كذلك hadith Ibn Majah. Et il est Hassan dans le isnad fihi rajulun fihi dha'f, lakin il y a plusieurs autres hadiths qui appuient هذا الحديث فلهذا العلماء حسنوا. L'imam al-Tirmidhi est parmi les contemporains Cheikh al-Albani et Cheikh Muqbil rahimahumullah jami'a. على كل حال الشاهد وَكَلَّمَ أَبَاكَ. أي il a parlé avec ton père. فعلى كل حال هذه الصفة elle est très très importante. صفة الكلام comme toutes les صفات. لكن في هذا الباب حصل خوض كثير من أهل البدع في هذه الصفة. Beaucoup d'innovateurs ils se sont égarés في هذا الباب. المعتزلة, الجهمية, الأشاعرة وغيرهم. Donc, As-Sunni, il doit avoir un minimum de connaissances fi hada. Et ce qui s'est passé à l'époque de l'imam Ahmed, rahimahullah, concernant cette sifa, ça y a-t-il ma'ana, mais yata'allaq bi al-Qur'an, annahu kalamullah, c'est ma'rouf, c'est mashhour. Donc, on doit donner de l'importance à hada. Wa Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, il a résumé, hadihi, العقيدة إن فخاز قال كما في شرح الواسطية رحمه الله ولهذا كانت عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله يتكلم بكلام حقيقي متى شاء كيف شاء بما شاء بحرف والصوت لا يماثل أصوات المخلوقين. سسع عقيدة أهل السنة أن الله يتكلم بكلام حقيقي أي الله يبارل بكن كلام حقيقي كم إلى دي vrais mains إلى un vrai visage il descend إلى آخره. فهكذا عز وجل من صفاته الكلام. قال يتكلم بكلام حقيقي متى شاء. الله يبارل quand il veut. Ça, ça nous montre que صفه الكلام c'est une صفه ذاتيه فعليه. Une صفه ذاتيه اي الله il a toujours eu cet attribut. Et فعليه اي c'est une صفه qui est متعلقه بمشيئه الله عز وجل. اي الله سبحانه وتعالى il parle quand il veut. فلهذا on a des preuves comme quoi Allah سبحانه وتعالى il a parlé à Moussa. وكلم الله موسى تكليما. Et Moussa, et Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé à Moussa, ça fait des siècles. Moussa, il était bien avant notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, bien avant Isa alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah, il lui a parlé à ce moment. Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé à Adam. Allah subhanahu wa ta'ala, il parlera à chacun d'entre nous yawm al-qiyama. Ça, ça montre anna hadhihi sifa, c'est une sifa fi'liya. Et inshallah, on détaillera fi al-qawaid al-mutla هذا الباب أي للصفات فعلية إلى صفات ذاتية. قال كيف شاء comme il veut. On n'a pas droit de penser que c'est comme la créature يدن بالله. لا, الله سبحانه وتعالى il parle comme il veut. قال بما شاء avec ce qu'il veut سبحانه. قال بحرف والصوت et son كلام il est بحرف أي avec des حروف. فقوله عز وجل ألف لام ميم سمين كلام الله سبحانه. Et c'est des lettres, alif, lam et mim. Qawluhu bismillahi rahman et rahim, c'est min kalamillah, et c'est des lettres. Bismillah et le ba, le sin, le mim, ou hakada. Qala wa saut. Et ça c'est important. Limadha li anna al-muharriva, al-asha'ira, al-dhullal, ils ont rejeté hala. Ils ont rejeté anna Allah subhanahu wa ta'ala yatakallam bi harf wa saut. Limadha. On revient toujours à la même chose. Les annahum, ils ont pensé que si tu dis Allah subhanahu wa ta'ala yatakallam bi harf wa saut, ça implique, ça veut dire que هذا الكلام il ressemble au kalam des créatures. Et ça, c'est batil. Ta'ammal qawlahu azza wa jal wa kallam Allah Moussa taklima. Takliman, en langue arabe, c'est un masdar. Tawkid. Taqaddam ma'ana. C'est le même lafd et c'est la même ma'na. Kallama takliman. C'est pour ça qu'il est mansoub. تقدم هذا معنا dans notre درس de Al-Ajrumiyya dans le Mansoubat. وكلم الله موسى تكليما. Et التوكيد il y a une faïda عظيمة dans la langue arabe. Et Allah subhanahu wa ta'ala il a informé أنه il a parlé à Moussa. وكلم الله موسى. Et il a renforcé هذا بقول عز وجل تكليما. Et ça montre que c'est un vrai kalam. فلهذا قال شيخ العثيمين رحمه الله في نفس المصدر قال أي في شرح الواسطية تكليما مصدر مؤكد والمصدر مؤكد والمصدر المؤكد بكسر الكاف قال العلماء إنه ينفي احتمال المجاز فدل على أنه كلام حقيقي. المجاز التحريف pour vous faciliter هنا. أي on ne peut pas comprendre من الكلام autre que le vrai كلام. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال وكلم الله موسى تكليما. Et en langue arabe, هذا التوكيد c'est pour montrer أنه c'est un vrai كلام. فلهذا قال شيخ العثيمين رحمه الله أرأيت لو قلت جاء زيد. Si tu dis une phrase toute simple en langue arabe جاء زيد فماذا tu comprends. قال فيفهم أنه جاء زيد هو نفسه. Tu comprends que زيد il est venu. قال ويحتمل أن يكون بمعنى جاء خبر زيد. Ou on peut comprendre si on sort du zahir et on a une qarina, on a une chose qui nous prouve ja Zayd, en fait c'est pas Zayd qui est venu lui-même, c'est son khabar qui est venu ou sa lettre qui est venu ou son fils qui est venu. Ça arrive ça dans l'angara. Lakin qala wa in kana khilaf adh-dhahir lakin idha akadta fa qult ja Zayd nafsuhu ja Zayd nafsuhu fa nafsuhu ça appuie ay c'est Zayd lui-même qui est venu. C'est pour ça que nafsuhu, il y a une dhamma, il est marfou'. لماذا لأن اسمنا التوابع يسوي الفاعل زيد. وكلم الله موسى Taklima, c'est un tawkid kadhalik. Donc vous avez remarqué que fi hadha al-hal en langue arabe, tu ne peux pas interpréter. Ja'a Zaydun nafsu, c'est Zayd lui-même qui est venu. On ne peut pas dire son fils, ou sa lettre, ou son information. Là, c'est lui-même. Wa kallama Allahu Musa taklima, c'est un vrai kalam. Hadha, c'est un istidlal qawi et nafi' fi hadha al-bab. قال شيخ العثيمين فكلام الله عز وجل لموسى كلام حقيقي بحرف والصوت سمعه موسى il a entendu وكلم الله موسى تكليما موسى il a entendu certaines choses بل قال شيخ العثيمين ولهذا جرت بينهما محاورة كما في سورة طه وغيرها c'est pour ça que موسى il a répondu et c'est pour ça que موسى il a demandé à voir Allah عز وجل et Allah سبحانه وتعالى il lui a démontré qu'il ne pouvait pas le voir L'entarani. Voilà, ça montre que Moussa, il a entendu. Et Moussa, il a répondu. Et Allah Azza wa Jal, il lui a parlé. Donc, c'est un kalam haqiqi. Lakin, ahl al-bida', ils ont des shubuhat fi hadha al-bab. Amma al-jahmiya wa al-mu'tazila fa'adatuhum, ils ont dit, Allah la yatakallam. Et si tu leur demandes, fa Moussa, qu'est-ce qu'il a entendu? Ils vont dire, un makhlouq. Allah, il a créé quelque chose qui a parlé. Hadha al-Qur'an. Ils vont dire, هذا القرآن c'est un makhlouq. Allah, il a créé, il l'a révélé. هؤلاء c'est le mu'tazila al-jahmiya. أما الأشاعرة فنفوا كذلك وعطلوا حقيقة صفة الكلام. Et aussi, في الحقيقة, ils ont rejeté صفة الكلام. أي كما يؤمن بها الصحابة رضي الله عنهم والسلف. لماذا؟ لأن معتقدهم الفاسد يمنعهم اللي زمبش دو دير كو هذا الكلام كلام الله سي ان كلام حقيقي بحرف وصوت لا بروف موسى il l'a entendu la preuve Adam il l'a entendu la preuve chacun d'entre nous on l'entendra يوم القيامه c'est que c'est avec des lettres et des sons لكن leur معتقد فاسد ils ont pensé que si tu dis Allah يتكلم ça implique ماذا التمثيل والتشبيه هذا c'est باطل هذا c'est باطل لماذا لانهم هم qu'est-ce qu'ils disent Pour vous simplifier, avant de passer au chapitre suivant. On me dit, si tu dis qu'Allah yatakallama kalam haqiqi, avec des sons et des lettres, ça implique que Allah Azza wa Jal, il a une bouche, il a des dents, il a des lèvres, il a une langue, il a akhiri. Il y en a hadi al-huruf, il a des makharij. Ces lettres, elles ont des makharij. Certaines lettres, tu dois faire placer ta langue à tel endroit, tu dois fermer la bouche, tu dois l'ouvrir, il a akhiri. Enfin, ils ont pensé que si tu dis qu'Allah yatakallama, tu dois dire qu'il a... qu'il a une bouche, une langue. Enfin, ils ont dit là, c'est pas un vrai kalam. Les an Allah, ils ressentent pas au créateur. Et hada, c'est batil. Comment on peut répondre à hada? Bien sûr, avec le Coran ou le Sunnah, laïsa kamitlihi shay, wa huwa sami'u al-basir. On a déjà cité avant le ma'akum, fil lamia. T'as de quoi, akhi, t'faddal? Allah subhanahu wa ta'ala qala al-yawma nakhtimu ala afwahi. يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يختم أي بعض الناس اللي لا يسخى ببغل avec leur bouche ثم قال عز وجل وتكلمنا أيديهم أي c'est les mains de ces personnes qui parleront أي pour témoigner contre eux est-ce que les mains ont une bouche des lèvres des dents une langue une gorge et l'akhir أبدا كذلك قوله عز وجل يومئذ تحدث أخبارها أن الأرض يوم القيامة تحدث عن أخبارها elle parlera الأرض est-ce que la terre a une bouche des dents إلى آخره كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه quand il était à مكة كان يمر على حجر ويسلم عليه et le Nabi صلى الله عليه وسلم il savait l'endroit où cette pierre elle se trouvait Et quand il passait devant cette pierre, alayhi salatu wasalam, la pierre, ce caillou, il passait le salam au prophète, alayhi salatu wasalam. Est-ce qu'un caillou, une pierre, ça a une bouche, des dents, il a akhri, là? Enfin, pourquoi dire celui qui parle, forcément, il a ces choses? C'est batil. Enfin, ces créatures, elles parlent, elles n'ont pas de bouche, il a akhri. Enfin, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Rabbul Alamin, c'est Maliki Yawmiddin. Il parle comme il veut, avec qui il veut, quand il veut. Et sa parole, elle ne ressemble pas. Aux paroles des créatures. هذا الباب il est مهم. الأشاعرة pour sortir من هذا à cause de leur aqidah fasida. Ils ont dit que si tu dis qu'Allah subhanahu wa ta'ala il parle, ça implique qu'il ressemble aux créatures, ça implique qu'il doit avoir une bouche, la akhri hadal kalam al-farih qu'on vient de répliquer walillahil hamd. Famadha qalu? On a un verset clair. Wa kallama Allah Musa taklima. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit al-kalam c'est un kalam nafsi. Ayyadan billah. Un kalam nafsi. La parole, c'est une parole sans son et sans lettre. C'est une parole sans son et sans lettre. Pour répondre au Mu'tazila. Le Mu'tazila, ils ont répliqué. Comment vous dites kalam nafsi? Ça ne rentre pas dans la raison. Sahih, ça ne rentre pas dans la raison, un kalam nafsi. Un kalam, c'est forcément avec son lettre. Il a akhri. Ah, mais un kalam nafsi, ça n'existe pas. Si c'est dans le nafsi, c'est plus un kalam. Mafoum. Les rois de l'Ash'ara, iyadan billah, ils se sont entêtés et qalou, ça peut arriver. Quelqu'un, il peut être muet et il a la parole. Et ceux qui pensent pour eux, c'est la parole. Alors que l'Haqqa, c'est pas la parole. Et tout ça, inshallah, on le détaillera dans d'autres kutub. Qala, Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, wa lam yakun fi musamma al-kalam niza' bayna as-sahaba wa at-tabi'in lahum bi ihsan wa tabi'ihim. لا من أهل السنة ولا من أهل البدعة بل أول من عرف في الإسلام أنه جعل مسمى الكلام المعنى فقط هو عبد الله بن سعيد بن كلاب. Il n'y avait aucune divergence entre الصحابة رضي الله عنهم et ceux qui les ont suivis, les innovateurs et أهل السنة. Personne ne disait أن الكلام c'est un كلام نفسي. Ils étaient tous d'accord que la parole c'est avec son et lettre il a. Et Allah, il a cet attribut et ça ne ressemble pas à celui des makhlouqs. Celui qui a inventé cette bid'a, c'est Abdullah ibn Sa'id ibn Kullab. C'est pour ça qu'il y a une secte qui s'appelle Al-Kullabiyya. Et Al-Ash'ira, Abdullah, ils ont pris cette innovation de Ibn Kullab. C'est pour ça que la secte Al-Kullabiyya et Al-Ash'ira, ils se ressemblent beaucoup. قَالَ وَقَدْ أَنْكَرَ عَلَيْهِ ذَلِكَ عُلَمَاءُ السُّنَّةِ وَعُلَمَاءُ الْبِدْعَةِ. Les innovateurs, et bien sûr Ahl al-Sunnah, ils ont rejeté cette innovation. C'est pour ça que les premiers groupes, qu'al-Khawarij matalan, c'est des innovateurs, ils n'ont jamais dit, ils n'ont jamais rejeté ce sifat al-Kalam. Indahum, c'était clair. Indah al-Sunnah, c'était clair. Bal hatta indah al-Bid'ah, à l'époque, c'était clair. Lakin, un groupe est venu, yadam billah, ils ont inventé hada. Pourquoi? Si on se pose la question, pourquoi? Les Indahum, ils ont soi-disant voulu s'écarter du tamthil. Et waqa'u fi ashad min. وقعوا في اشد منه لان prétendre que Allah il parle pas c'est grave لان celui qui parle pas c'est du naqs, c'est pas comme celui qui parle. Et كذلك ils se sont contredits avec هذه البدعه الكلام النفسي. فلهذا هؤلاء كلهم, et on va passer inshallah au bab suivant, هؤلاء كلهم, si tu leur demandes لكن موسى qu'est-ce qu'il a entendu, ils te diront un makhluq. المعتزلة الجهمية المعطلة لا يؤمنون بصفة الكلام فايب vont te dire c'est un makhluq, c'est clair. Et Al-Ash'ira, ils vont te dire c'est un kalam nafsi. Ce que Moussa il a entendu, c'est un makhluq qui montre la parole d'Allah. Al-kalam nafsi. Et qui n'a pas de son et pas de lettre qu'on ne peut pas entendre. Allah il a créé une chose pour que Moussa puisse entendre هذا الكلام النفسي. عياذا بالله. C'est très très grave. Mais le sunnah, ils disent là, Moussa il a entendu kalam Allah. Ils disent que le Coran c'est kalam Allah, c'est pas un makhlouq. قال الله تعالى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك. Qu'est-ce qu'ils vont dire? عند هذه الآية. S'ils disent que c'est un makhlouq, c'est grave. Et Moussa, ce qu'il a entendu, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent c'est un makhlouq, Allah il parle pas عند هم. Qu'est-ce qu'il a entendu Moussa? Inni ana rabbuk. Moussa, quand il est arrivé à cet endroit, il a entendu la parole. Il a entendu la parole d'Allah. Inni ana rabbuk. Et c'est moi Allah. Enfin, si on prend leur qawl, cette créature, elle a dit, c'est moi Allah. Ayyadan billah. فَلِهَذَا كَذَلِكَ dans le verset, quelques versets après, قَالَ عَزَّ وَجَلْ إِنَّنِي أَنَا اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدْنِي. La ilaha illa ana fa'budni. Enfin, Moussa, il a entendu Allah dire, innani ana Allah, c'est moi Allah. Est-ce qu'une créature, elle va dire, hada iyadan billah? C'est Allah Azza wa Jal qui a dit ce qu'elle a. Fali hada, amra موسى عليه الصلاة والسلام بالعبادة. قال عز وجل فاعبدني وأقم الصلاة لذكري, سورة طه. نعوذ بالله من الانحراف والضلال. على كل حال, pour résumer, أن صفة الكلام ثابتة لله عز وجل. On a des versets من القرآن الكريم, on a des hadiths du prophète صلى الله عليه وسلم, on a إجماع أهل العلم, إجماع الأئمة depuis l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم jusqu'à de nos jours. فالحذر, الحذر من الشبهات. هؤلاء se sont garés إلا بالشبه, et ils ont compliqué les choses à cause de leurs questions, à cause de leur i'rab, à cause de leur ishkalat. Ils ont posé des problèmes où qu'il n'y a pas, et ils se sont égarés. Amma sunni yaqul Allah yatakallam, kalam haqiqi, et ce kalam c'est avec des lettres, avec un son que as-sami' il entend, et Allah il ressemble pas aux créatures, et ses attributs ne ressemblent pas aux attributs des créatures, walhamdulillah. Falihada même un muslim, même un jahil, même un ignorant qui ne connaît pas son dîn, qui ne connaît pas sa aqida, il a'azzama le Qur'an al-Karim. Limada li'annahu c'est kalam Allah. Vous avez remarqué, hada. C'est pour ça que le Qur'an, on ne le pose pas n'importe où. C'est pour ça que le Qur'an, on en prend soin. C'est pour ça que chaque musulman, il a hada at-ta'zim. Limada li'annahu, il sait que dans ce mushaf, le kalam, c'est le kalam d'Allah Azza wa Jal. Si tu dis un am, il a un kalam nafsi, et toutes les khurafat de l'ash'ir al-muharrifa, il ne comprendra pas. Et alhamdulillah, ça nous montre qu'il y a du khair, et nous on doit montrer le haqq à haoula. Thumma qal, rahimahullah, wal qur'anu kalamullah azza wa jal, wa wahyuhu wa tanziluhu, wal masmu' min al qari kalamullah azza wa jal. Et le lien entre هذا الكلام والذي قبله, il est واضح. Le lien entre cette parole et l'attribut de sifat al kalam, il est clair. عندما Là, c'est pas par rapport à l'al-bid'a. Là, le lien entre ce chapitre et le précédent. Avec sifatul kalam ou al-Qur'an kalamullah. Ahsant al-Qur'an, c'est min kalamillah. Sifatul kalam, c'est pas que le Qur'an. Mathalan, Allah il a parlé à Moussa. Allah il a parlé à Adam. Allah il a parlé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala, il parlera à chaque être humain yawm al-qiyama. Ça, c'est pas le Qur'an. Ça, c'est min kalam illah. Fa al Qur'an c'est min kalam illah. Fa Allah il a sifat al kalam, et min hadh al kalam y a le Qur'an. Ne pas comprendre que la parole d'Allah c'est que le Qur'an. Abatan. La Torah qui a été révélée à Moussa c'est min kalam illah, et c'est pas le Qur'an. L'Injil qui a été révélé à Isa alayhi salatu wasalam c'est min kalam illah, et c'est pas le Qur'an. C'est des livres différents. Wa hakada. Donc awwalan il a cette sifat al kalam, et qu'Allah il a l'attribut de la parole, ça englobe le Coran, ça englobe la Torah qui n'a pas été falsifiée, l'Injil qui n'a pas été falsifié, qu'Allah il parlera yawm al-qiyama ila akhir. Et le Coran, le chapitre suivant, c'est que sur le Coran. Et le Coran, ça fait partie de la parole d'Allah azza wa jalla. قال والقرآن كلام الله عز وجل ووحيه وتنزيله والمسموع من القاري كلام الله عز وجل. قال الله عز وجل فأجره حتى يسمع كلام الله. قال وإنما سمعه من التالي. Donc هذا القرآن عقيدة أهل السنة, أي الإجماع على هذا أنه سكلم الله, أي غير مخلوق. سكلم الله إيه pas une créature. قوله والمسموع من القاري كلام الله عز وجل. أي quand on récite, مثلا on récite الفاتحة, فس qu'on récite c'est kalamullah. Pas comme ils disent Ahlul Bida'a, ils disent si tu le récites, c'est que c'est makhlouq. Là, ce qu'on récite, c'est kalamullah. Et là, chaque anna al-ulama yaqouloun anna al-kalam kalamul bari. Al-kalam kalamul bari wa saut sautul qari. Donc ce qu'on récite, c'est la parole d'Allah, et le son qu'on entend, c'est notre son à nous. Na'am, hada, lakin ce qui est récité. Maintenant, quand on récite le Coran, c'est la parole d'Allah. Ce qu'on apprend par cœur, c'est la parole d'Allah. Ce qu'on écrit, maintenant, quand on écrit un verset du Coran, c'est la parole d'Allah, Azza wa Jal. قال الله عز وجل فأجره حتى يسمع كلام الله وإنما سمعه من التالي. تأمل هذا العلم de cet imam. En quelques mots, Comment il facilite les choses. Qala azza wa jal wa in ahadun min al-mushrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam si un mushrik wa in ahadun min al-mushrikin. Si un mushrik istajaraka. Vous connaissez le mot al-jar, al-jiran. C'est le voisin. Wa in ahadun min al-mushrikin istajaraka, ay il te demande d'être ton voisin et de rester à tes côtés, fa'ajirhu, et donne-lui l'autorisation. Pourquoi? Hatta yasma' kalam Allah. Qu'est-ce qu'il va entendre ce voisin? Il va entendre Allah Azza wa Jal parler directement? Là, il va entendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam réciter le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala qal hatta yasma' kalam Allah. Et cette récitation, c'est la parole d'Allah. Donc ce qu'on récite, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. On doit faire attention à shubuhat, أهل البدع شبهات المعتزلة والمعطلة في هذا الباب. قال وقال عز وجل يريدون أن يبدلوا كلام الله. وقال الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أي إلى ستة دوتر فيرسات في القرآن الكريم. وقال الله عز وجل وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين وهو محفوظ في الصدور كما قال الله عز وجل بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. Donc il est bien في الصدور أهل العلم الذين أوتوا العلم أي ceux qui l'apprennent par cœur. Il est bien dans leur poitrine et le mémorise. Et مع هذا c'est كلام الله. فلهذا قال عز وجل بل هو آيات بينات واضحات. Des versets clairs dans les poitrines, dans les cœurs des gens de science. وروى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استذكروا القرآن فلهو أشد تفصيا أي تفلتا من صدور الرجال من النعم من عقله et dans une riwaya من عقلها أي c'est un exemple comme le chameau quand il est attaché il peut très vite se débarrasser de cette chose qui l'empêche de se déplacer et se sauver. فَهَاكَدَ الْقُرْآنِ Si on ne fait pas attention, si on ne le révise pas, فَلَهُوَ أَشَدُّ تَفَلُّتَنِ Et dans cette riwaya, تَفَصِّيَنْ مِنْ صُدُورِ الرِّجَلْ مِنَ النَّعَمِ النَّعَمِ, هنا c'est une catégorie de chameau. Comme ce chameau, si on ne fait pas attention, si on ne l'attache pas bien, si on ne vérifie pas, il a akhiré. Ça demande de l'entretien, il peut se sauver. فَهَاكَدَ الْقُرْآنِ Si tu n'entretiens pas ton cœur avec la révision, avec l'ikhlas, avec la bonne intention, avec la mise en application, tu oublies un verset, tu oublies une surah, il est akhir. Al-Muhim, hathun min al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pour faire al-muraja'a, pour réviser kathiran. Et vous avez remarqué que al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qal istadhkiru al-Qur'an, et qal sudur al-Rijal. Ça montre que hada al-Qur'an, c'est kalamullah, il est fi sudur al-Rijal. Il est dans les cœurs. Donc, ce qu'on a appris par cœur, ce qu'on récite, ce qu'on écrit, c'est kalamullah. C'est kalamullah. On ne doit avoir aucun doute. Fi hada. Et là, chacun a la voix, le son du récitateur, ça c'est makhlouq. Ça c'est makhlouq. Lakin, tu récites une chose qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et hada, inshallah, on détaillera akthar. Qala wa huwa maktoubun fil masahif, manzourun bil a'yun. كذلك ce qui est écrit في المصاحف c'est كلام الله. Même si l'encre, les feuilles, tout ça bien sûr c'est créé, il n'y a aucun doute. لكن ce qui est écrit c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui c'est qui a parlé de هذا الكلام avant qu'il soit imprimé dans les مصاحف, avant qu'on l'apprenne par cœur, avant qu'on le récite? C'est كلام من, c'est كلام الله. نحن fait que réciter هذا الكلام, ou l'apprendre ou l'écrire. فلهذا يقول أهل العلم وسيأتي معنا أن عقيدة السلف جميعا c'était أن القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ أي المتكلم به أولا c'est الله عز وجل. منه بدأ أي c'est كلام الله وإليه يعود. نعم. وذهب الوقت إن شاء الله فينغا هذا الباب. Il reste de la lecture et quelques explications. Wa illa ce qu'on a cité fi hadha ad-dars inshallah fihi khair. Réviser hadha al-bab et simplifier les choses, sifatul kalam, on résume أن الصفة ثابتة لله عز وجل. On a plusieurs preuves. وكلم الله موسى تكليما. قول النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة. C'est une صفة ثابتة بالإجماع. C'est un كلام حقيقي. بحرف والصوت. La preuve c'est que Moussa il a entendu. C'est que Isa il a entendu. Ya Isa, anta qulta linnas. Il a entendu la preuve, Isa il a répondu. Subhanak. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a entendu le kalam. Jibril a entendu le kalam. Yawm al-qiyamah, chacun de nous entendra le kalam. Pas besoin de turjuman, comme a dit le hadith. Et on fait attention à Shuba, Ahl al-Batil. Et Al-Qur'an, c'est min kalamillah. Allah subhanahu wa ta'ala takallama bih. Et Jibril, il l'a entendu. Thumma Jibril, il est descendu sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il l'a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a entendu et il l'a mémorisé. Thumma Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a récité. As-sahaba radiyallahu anhum, ils l'ont entendu, ils l'ont mémorisé. Wa hagad as-sahaba, ils l'ont propagé jusqu'à de nos jours. Et maintenant, alhamdulillah, il a été imprimé, il est enregistré dans des audios, il a akhiré. C'est kalamullah. Vous avez compris? أن قوله منه بدأ أي المتكلم به أولا c'est الله عز وجل. نكتفي بهذا et on passe à notre deuxième درس. من عنده شيء si c'est pas compris تفضلوا أو le prochain درس كما تريدون.